بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on était en train d'expliquer maintenant dans le livre de l'imam al-Sabouni عقيدة السلف وأصحاب الحديث avec le شرح de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Le chapitre, c'est toujours le même chapitre au sujet de al-Iman. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc la foi, c'est composé des paroles et des actions, et la foi augmente et diminue. Et on a cité plusieurs citations des paroles des salafs dans les explications de, ou bien plutôt dans les citations que l'imam al-Sabouni a mentionnées. Et les dernières citations qu'on avait citées, c'est avec les explications et les paroles de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, et également, si je ne me trompe pas, c'était aussi l'imam Ayyub al-Sakhtiani, ou bien Sufyan ibn Uyayna. Si je me souviens bien, c'était ça. Donc on expliquait à la fin du dernier cours le fait que le musulman, il ne doit jamais se sentir à l'abri de des péchés, à l'abri des fautes, à l'abri de l'égarement, de penser que son paradis est déjà gagné, que c'est garanti pour lui, hein, et que ses bonnes œuvres sont déjà acceptées, et que ses péchés sont déjà pardonnés, et que tout est gagné d'avance, hein, et que c'est déjà, comme on dit, dans la poche, hein. Donc ça, c'est ça fait partie du ghurur, ça vient du shaitan. Parce que en réalité, personne n'est garanti, hein. Et le fait que le musulman soit conscient justement que rien n'est garanti, c'est quelque chose qui fait en sorte que son cœur, il reste toujours alerte. Et il va toujours être sur ses gardes vis-à-vis des ruses du shaitan. Et vis-à-vis des ruses des koufars et des alliés du shaitan. Et en même temps aussi, il va toujours être dans l'espoir et dans le fait de se sentir dans le besoin vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et de souhaiter en sa grâce, sa miséricorde. Et c'est cette attitude-là vis-à-vis du Créateur qui fait que en fait, le croyant reste toujours humble et toujours modeste vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis d'Allah. Parce qu'il sait que s'il a une foi, c'est uniquement par la grâce d'Allah. Et s'il fait des bonnes œuvres, c'est uniquement parce que Allah lui a donné la grâce de pouvoir faire ces bonnes œuvres-là. Et donc, il n'a pas à se sentir comme si il a fait une faveur à Allah en faisant des bonnes œuvres. D'accord? Parce que ça, c'est l'attitude incorrecte. Hein? Le mu'min, comme Allah dit dans le Coran, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. Hein? C'est Allah Azza wa Jal qui vous a fait une faveur de vous guider à la foi. Donc vous, en ayant la foi et en faisant les bonnes œuvres et en vous écartant des péchés, vous ne faites pas une faveur à Allah. C'est le contraire. Hein? C'est lui qui vous fait une faveur. Et le cheikh, il explique, il dit « فَالْإِنسَانْ لَا يَرْكَبْ رَأْسَهُ وَيَغْتَرْ وَيَقُولْ أَنَا عِنْدِي وَعَمِلْتُ أَعْمَالًا وَا إِلَى آخِرِهِ لَوْ جِئْتَ بِأَعْمَالٍ كَالْجِبَالِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَا تَقْطَعْ لِنَفْسِكَ بِالْجَنَّةِ وَلَا تَقْطَعْ بِأَعْمَالِكَ مَقْبُولَةً بِأَنَّ أَعْمَالَكَ مَقْبُولَةً وإنما ترجو من الله سبحانه وتعالى ترجو فيه خيرا وتخاف في نفس الوقت. قال تبارك وتعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي يعملون ويعملون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم فهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون أن لا يتقبل منهم كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنهما ورضي الله عنها لما قالت يعني لما ذكرت الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لأنه يخاف أن لا يكون وفى هذا العمل حقه ويمكن دخل فيه رياء ويمكن أخل بشروط وأخل بواجبات إلى آخره وهذا الذي يصلي يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يصلي ويستغفر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة الدخول للجنة ليس بعملك عملك سبب لكنه ليس ثمنا للجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم لكنه ليس ثمنا لأن أعمالك كلها وعليكم السلام ورحمة الله لو ملأت بها الدنيا لا تساوي شكر نعمة واحدة أقل النعم فأنت تدخل الجنة بفضل الله ورحمته حتى الأنبياء يدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته. Donc le cheikh il explique une chose ici intéressante. Il dit l'être humain il doit pas monter sur sa tête, monter sur sa propre tête. C'est une expression en arabe. Yarkab ra'sa. Yarkab quand tu montes sur un cheval tu dis rakiba yarkabu. Et là, il y a l'expression en arabe qui dit « Yarkabu ra'sa ». C'est comme s'il monte sur sa propre tête. En voulant dire, il se fait des idées. Il est fier de qu'est-ce qu'il fait. Il est fier de lui-même. Et il devient arrogant et orgueilleux et fier. Masamiat. من المن ربما فيه نوع من المن يدخل فيه. Donc le cheikh il dit tu dois pas te laisser tromper par tes bonnes œuvres et te laisser éblouir toi-même par tes bonnes œuvres. Tu dis ah j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, j'ai donné en sadaqa, j'ai fait beaucoup de j'ai fait la salat, j'ai récité le Coran, j'ai mémorisé le Coran, j'ai fait talab al-ilm, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, j'ai écrit des livres. Donc le cheikh, il dit ça là, il faut que tu fasses attention à ça, c'est dangereux. Si tu commences à te penser que ça y est, t'as fait beaucoup de bonnes œuvres, donc ça y est, t'es garanti au paradis. Ton paradis, il est sécurisé, ça y est, j'ai pas de problème. Il dit, même si tu avais des œuvres, équivalent à des montagnes de bonnes actions. Il dit, tu ne dois jamais être comme si arrivé à un point où tu te sens garanti ou que tu es certain que tu vas avoir le paradis pour toi-même. Tu ne dois pas être certain ou garanti, tu penses que tu es certain d'avoir le paradis ou que tes actions sont acceptées d'Allah. Mais tu dois seulement te limiter à espérer que tes actions soient acceptées. Et espérer et souhaiter que Allah Azza wa Jal accepte tes œuvres et te fasse rentrer au paradis. Donc tu souhaites le bien et tu espères le bien. Et tu crains pour toi-même en même temps. Et ça, c'est la description de ceux qui sont pieux. Et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal a décrit les gens qui sont pieux. Dans le Coran, le verset 60, dans Surat al-Mu'minun, il dit, ceux qui donnent ce qu'ils ont donné, comme sadaqat, comme nafaqat, et ainsi de suite, alors que leur cœur frémisse, à savoir qu'ils vont retourner à leur Seigneur. C'est-à-dire, ils font les bonnes œuvres, et ils font des bonnes œuvres, et malgré ça, ils craignent Allah Azza wa Jal. Ils craignent que Allah Azza wa Jal n'accepte pas leurs œuvres. Hein? Parce que le cheikh, il dit, ils font la salat, ils font le jeûne, ils donnent la zakat, et ils craignent que Allah accepte pas leurs œuvres. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Aïcha radiallahu anha, quand il a récité le verset dans Surat al-Mu'minun, verset 60, ceux qui donnent, et, alors que leur cœur frémisse, hein, de qu'est-ce qu'ils ont, ils ont peur. Ils donnent des sadaqat et en même temps ils ont peur. Alors, Aïcha radiallahu anha dit, pourquoi ils ont peur? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait le zina, ils ont volé, ils ont bu de l'alcool? أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي وَيَسْرِقْ وَيَشْرَبُ الْخَمَرْ. Et le prophète m'a dit, لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرْ لَا يَا بِنْتَ السِّدِّيقْ لَكِنَّهُ الرَّجُلْ يَصُومْ وَيَتَصَدَّقْ وَيُصَلِّ وَهُوَ يَخَافْ أَنْ لَا يُتَقَبَّلْ مِنْهُ. C'est-à-dire, c'est l'homme, il fait la salat, il donne en sadaqa, il fait le jeûne, il a peur que ses actions ne sont pas acceptées de lui. Et pourquoi il a peur que ses actions ne soient pas acceptées de lui? Hein? Le cheikh, il dit, il a peur que l'action qu'il a faite, il n'a pas donné le droit d'Allah dans cette action. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait cette action-là comme il mérite, comme elle méritait d'être faite. Il a peur que peut-être qu'il y a un peu d'ostentation qui soit rentrée dans cette action-là. Il a peur qu'il a fait cette action-là et que l'action ne respecte pas certaines conditions, parmi les conditions de cette action. Il a peur qu'il ait fait cette action-là et que certaines de ses obligations ont été négligées. Hein? Et ainsi de suite. C'est une chose de faire la salat, mais comment tu l'as faite? Est-ce que c'était juste ton corps qui était là et que ton corps, il était en train de faire les gestes et les mouvements, alors que ton esprit, ton cœur, tu étais en train de penser à d'autres choses que la salat? Oui, hein? Automatisme. Tu fais tes gestes comme si c'était des automatismes, parce que tellement tu es habitué de le faire, ça devient automatique. Hein? Même les doigts que tu les récites sans même les réfléchir. Parce que tu les as appris par cœur, ça devient automatique. Hein? Tu fais ton adhkar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu dis même pas subhanallah en réfléchissant à qu'est-ce que subhanallah signifie. Tu fais juste des subhanallah avec ta langue, mais ton cœur, il est pas là. Hein? Donc, les gens peuvent dire, oui, j'ai fait beaucoup d'actions. Mais où est-ce qu'elle est l'action réellement? Est-ce que l'action c'est juste de faire les gestes? Non. C'est pas seulement de faire les gestes. Et c'est pour cette raison-là, chacun d'entre nous, on fait la salat ici, et on dit, Alhamdulillah, que Allah il nous a permis de faire cette salat. Mais en même temps, est-ce que la salat, on l'a faite comme Allah il nous demande? Et est-ce qu'on a mis tout notre cœur dans cette salat? Et quand on a fait le dhikr, on a fait le dhikr avec notre cœur, avec toute la sincérité. Et quand on a fait la sadaqa, est-ce qu'on l'a fait avec sincérité? Ou bien on l'a fait pour espérer une récompense, ou un remerciement, ou de se faire voir comme une personne généreuse, hein? Et ainsi de suite. Donc c'est pas pour rien qu'après avoir fini de faire la salat, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas fait la salat comme il faut. Donc tout de suite, on finit de faire une bonne action, on dit astaghfirullah. Hein? Quelqu'un pourrait même trouver ça étrange. Pourquoi tu dis astaghfirullah? Tu finis ta salat, tu dis astaghfirullah, pourquoi? Est-ce que tu étais en train de faire un péché? Hein? Non, tu n'étais pas en train de faire un péché. Sauf que ta salat, peut-être que tu n'étais pas là complètement. Peut-être que tu étais là peut-être à 50%, peut-être 40%, peut-être 60%. Allahu a'lam. Donc, pour le manque que tu as eu, ou pour les déconcentrations que tu as eues, pour les moments, les instants dans lesquels tu étais distrait pendant ta salat, tu demandes à Allah pardon. Hein? Donc tu fais la salade, tu dis astaghfirullah. Donc ça c'est un exemple. Il y a des gens, ils font des péchés, ils disent même pas astaghfirullah. Et les croyants, les pratiquants, les gens musulmans qui pratiquent leur religion sérieusement, ils font des bonnes actions, ils demandent pardon à Allah. Voilà, la différence, elle est grande. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. La plupart des gens, ils ne savent pas. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh, il dit donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, personne ne va rentrer au paradis par ses œuvres. Et les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, est-ce que toi aussi, même toi, tu ne rentres pas au paradis par tes œuvres? Il a dit, non, même moi, je ne rentre pas au paradis par mes œuvres. Excepté que Allah me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira. Radiallahu anhu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, le cheikh il dit, ça veut dire que l'entrée au paradis, c'est pas par tes œuvres. Il dit, tes œuvres, c'est vrai, c'est une cause pour que tu puisses rentrer au paradis. Mais ce n'est pas le prix ou qui équivaut à la valeur du paradis. C'est-à-dire que la valeur du paradis, elle est beaucoup plus grande que tes actions. Hein? La preuve, le cheikh il dit, parce qu'une seule des grâces d'Allah, c'est-à-dire une seule des grâces que Allah t'a données parmi les milliers et les milliers et les milliers de grâces que Allah t'a données, une seule de ces grâces-là, hein, elle vaut plus que toutes tes œuvres au complet. Donc si le prix, si tu devais pour rentrer au paradis payer le prix du paradis, tu n'aurais jamais les moyens. Même si tu faisais toutes les œuvres du monde, même si tu priais du matin jusqu'au soir sans arrêt pendant 100 ans, tu n'aurais pas pu payer le prix du paradis parce que le prix du paradis est beaucoup plus cher que ça. Mais c'est la cause, le fait de faire les œuvres qui est une cause pour que tu obtiennes la grâce d'Allah pour que tu puisses rentrer au paradis. Et donc, yani, le fait le cheikh dit, même si toutes tes œuvres remplissaient la dunya au complet, n'aurait pas valu la reconnaissance d'une seule des grâces d'Allah Azza wa Jal, la plus petite de ces grâces-là. Alors toi, tu vas rentrer au paradis, si tu rentres, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Même les prophètes, ils n'entrent au paradis que par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Et le cheikh il dit ensuite, انظروا إلى السلف يعني فقه ابن المبارك رضي الله عنه فليكن عندنا مثل هذا الفقه ثم لا أحد منا يعتقد أن إيمانه كامل كل أعمالنا الإيمانية فيها نقص من منا بلغ درجة الكمال على طريقة الحدادية كلنا في النار وكلنا كفار لأنه إذا دخل النقص إيماننا ذهب وانتهى هذا ضلال يعني إيماننا فيه نقص وفيه ضعف كلنا نخطئ وكلنا نذنب نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتغمدنا برحمته وفضله. Donc le cheikh il dit, regardez donc nos salaf, nos pieux prédécesseurs Abdullah ibn al-Mubarak, et qu'est-ce qu'il a dit à propos de ses œuvres? Il a dit, si je savais qu'une seule de mes œuvres était acceptée par Allah, j'aurais dit, je rentre au paradis. Et si je savais qu'un seul de mes péchés était pardonné, hein? Donc c'est ça. Si j'aurais su qu'une seule de mes œuvres était acceptée d'Allah, j'aurais témoigné pour moi-même que je suis au paradis. Ça veut dire que même une de ses œuvres, il peut même pas, il n'est même pas sûr. Est-ce qu'il va être accepté ou non? Donc, ça c'est la compréhension de nos salafs. Comment ils sont modestes et humbles envers Allah. Alors on doit avoir ce genre de compréhension nous aussi et essayer de suivre cet exemple. Il dit, le cheikh, qu'il n'y a personne d'entre nous qui croit que il est parfait dans sa foi, que sa foi, elle est complète. Il dit toutes nos actions qu'on fait, les actions qui sont reliées à la foi, toutes ces actions-là, il y a des manquements dedans. Il y a des imperfections dedans. Est-ce que l'un d'entre nous a atteint le degré de la perfection? Hein? Il dit, selon la voie des Khawarij, al-Haddadiyya, on est tous en enfer. On est tous des kuffars pour eux. Hein? Parce que notre foi, elle a diminué. Il y a des manquements dans notre foi. Elle n'est pas complète, parfaite. Donc pour eux, du moment qu'elle n'est pas complète, elle est disparue complètement. Il n'y a plus rien. Ça, le cheikh dit ça, c'est de l'égarement. Il dit parce que notre foi, il y a des faiblesses dedans. Il y a des manques dedans. Hein? Il y a des diminutions dedans. Et chacun d'entre nous, on peut faire des erreurs, on peut faire des péchés. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, de nous faire miséricorde et de nous couvrir de sa miséricorde et de sa grâce. قال رحمه الله ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد ابن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن هزيل أو هزيل ابن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح يعني أبو بكر مشهود له بالجنة ويمكن أن عمر رضي الله عنه سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه يتلو الأنبياء جميعا في الفضل فأفضل الناس بعد الأنبياء من الأولين والآخرين المخلصين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا كان يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء يعني في قضية الحديبية وفي غيرها رضي الله عنها والإسناد صحيح عن عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وليس على عمر من حرج أن يقول هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة وفضله وميزه على هذه الأمة والصحابة كانت عقيدتهم كلهم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها يعني بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. Donc ici le cheikh il explique que ensuite la citation que l'imam As-Sabuni a mentionné à propos de Omar ibn al-Khattab qui dit si on aurait mis dans une balance la foi de Abu Bakr et qu'on aurait mis de l'autre, sur l'autre plateau de la balance la foi des gens des habitants de la terre, hein, c'est-à-dire en dehors des prophètes, eh bien, c'est-à-dire dans cette Ummah, si on aurait mis d'un côté la foi d'Abu Bakr et l'autre côté la foi des gens, hein, de la Ummah, ici ils disent les habitants de la terre, c'est-à-dire bien entendu en dehors des messagers et des prophètes, eh bien, c'est la foi d'Abu Bakr qui aurait été plus lourde et qui aurait fait pencher la balance. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il fait partie de ceux que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné pour eux du paradis. Hein? Et il est possible donc que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il ait mentionné cette parole, yani qu'il a pris du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que Abu Bakr, radiallahu anhu, dans son mérite, il vient après tous les prophètes. Et que c'est lui le meilleur des hommes après les prophètes. Depuis le premier des hommes jusqu'au dernier, parmi les sincères et les hommes pieux. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, il était en accord avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur beaucoup de choses. Et dans la question de Al-Hudaybiyya, il a répondu de la même réponse que celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait même pas consulté le messager d'Allah. Hein? Quand Omar ibn al-Khattab est venu lui poser la question à propos de Al-Hudaybiyya, parce que Omar ibn al-Khattab est pas seulement lui, beaucoup d'autres sahaba, ils n'étaient pas capables d'accepter l'entente de Al-Hudaybiyah. Et la raison pourquoi ils avaient du mal à accepter l'entente de Al-Hudaybiyah, c'est parce qu'elle n'était pas en faveur des musulmans. L'entente de Al-Hudaybiyah était en faveur des mushrikines. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'avantages pour les mushrikines dans cette entente-là que pour les musulmans. Et les musulmans étaient en position, yani, désavantagée dans cette entente-là. Alors, Omar ibn al-Khattab, il n'était pas satisfait de cette entente. De même que beaucoup d'autres d'entre les sahaba. Et même certains d'entre eux, ils voulaient même se battre ce jour-là. Ils voulaient même combattre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cette entente. Et Omar est allé voir Abu Bakr, radiallahu anhu, il lui a demandé, « Oh, y a Abu Bakr, est-ce que, yani, comment on peut accepter ce genre d'entente qui est désavantageuse pour nous? Hein? N'est-ce pas qu'on est sur la vérité et eux sont sur l'égarement? Hein? » Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit, « C'est le messager d'Allah. » Et il ne désobéit pas à Allah. Alors, il est parti voir le messager d'Allah. Il lui a posé la même question. « Oh, messager d'Allah, pourquoi on accepte cette entente alors qu'on est dans la vérité, eux sont dans l'égarement, et ainsi de suite. » Alors, le prophète sallam, il a dit, « Je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas. » Alors, à ce moment-là, yani Omar ibn al-Khattab, il a compris. Il a compris que Abu Bakr, radiallahu anhu, il a compris quelque chose que lui, il n'avait pas compris. Et il a saisi quelque chose que lui, il n'avait pas saisi. Et que dans cette entente-là, il y avait une grande victoire pour les musulmans, même si, en apparence, il y avait un désavantage pour les croyants. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il l'a appelé dans le Coran Al-Fath Al-Mubin, la victoire éclatante ou la victoire évidente. Donc, ça c'est un exemple parmi les exemples de la compréhension profonde de Abu Bakr radiallahu anhu. Et pour une des raisons pour lesquelles sa foi était beaucoup plus forte que toute celle de la Ummah réunie. Hein? En plus, c'est le premier parmi les hommes qui ont cru en l'islam. Et c'était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la hijra. Et quand il est arrivé à Médine, hein, beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient pas est-ce que c'était Abu Bakr ou est-ce que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lequel des deux était Muhammad, ils ne savaient pas. Alors c'est quand ils ont vu Abu Bakr qui couvrait le messager d'Allah pour lui faire de l'ombre, ils ont su que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'était celui-là, et que l'autre c'était Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblaient aussi d'une certaine façon. Ils étaient de la même âge, ils étaient des compagnons, et ainsi de suite. À la kulli hal, yani, Abu Bakr radiallahu anhu, son mérite il est connu. Et là, le cheikh, il dit que la chaîne de transmission de cette parole de Omar radiallahu anhu, elle est authentique. Et il n'y a donc pas de problème avec ça. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait témoigné à son sujet du paradis et de son mérite et du fait qu'il était particulier dans cette Ummah. Et les sahaba, leur aqidah, hein, tous les sahaba, ils avaient comme aqidah que le meilleur de cette Ummah, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Et celui qui vient après, c'est Omar. Et celui qui vient après, c'est Uthman. Et celui qui vient après, c'est Ali. Radiallahu anhum ajma'in. Donc ça, c'est le mérite des sahaba dans l'ordre. Hein? Et les ulama, ils disent l'ordre de leur mérite est le même que l'ordre de leur khilafa. C'est-à-dire dans le même ordre dans lequel ils ont été khalifa, eh bien, c'est la même mode de leur mérite également dans la religion d'Allah. Ensuite, le cheikh il dit wa qala rahimahullah sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakariya al-Shaybani yaqul sami'tu Yahya ibn Mansur al-Qadi yaqul sami'tu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah yaqul sami'tu al-Husayn ibn Harb أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه شهادة من هذا الرجل لأخيه بأنه يدين الله بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا أيضا مرجئ عند القوم، يعني عند الحدادية نسأل الله العافية. وحرب الحدادية للإرجاء ليس عن صدق ولا عن دين، وإنما عن فجور، لأن مسألة حربهم لأهل السنة كلها قائمة على الكذب والفجور، فنعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يريح أهل السنة من شرورهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que en fait il y a une citation qui était rapportée à propos de Ahmed ibn Harb et c'est son frère Al-Hussein ibn Harb qui témoigne de lui en disant je témoigne de la, que Ahmed ibn Harb sa religion c'est que yani il croit vis-à-vis d'Allah que la foi, c'est composé des paroles et des actions, et que ça augmente et que ça diminue. Donc, Cheikh Rabi, il dit ça, c'est le témoignage d'un homme par rapport à son frère. Et si je ne me trompe pas, Ahmed ibn Harb, c'est celui qui a écrit une aqida. Hein? C'est-à-dire, il a écrit, quand on dit il a écrit une aqida, c'est-à-dire, il a écrit un livre sur la aqida des salafs et la aqida de Ahl Sunnah, dans lequel il défend la position des salafs et il clarifie la aqida d'Ahl Sunnah. Donc, yani, si je ne me trompe pas, yani, c'est lui qui a écrit cette aqida et dedans il y a les éléments de la foi. Et il dit dedans que la foi c'est composé des paroles et des actions, qu'elle augmente et qu'elle diminue. Ça, c'est une chose sur laquelle tous les ulama d'Ahl Sunnah sont d'accord. Il n'y a pas de divergence entre eux sur cette question-là. Et ceux qui ont divergé, c'est soit les Murji'a, ou soit les Khawarij, ou soit les Mu'tazila, des gens de Bid'a. D'accord ? Et il dit que, donc, selon les Haddadiyya, celui-là est considéré lui aussi comme étant un Murji'. Parce que pour les Khawarij et les Haddadiyya, tous les ulama d'Ahl Sunnah sont des Murji'a pour eux. Comment on l'a expliqué. Et le cheikh, il dit, donc c'est une guerre qu'ils font contre les Haddadiyya. Les Haddadiyya font une guerre contre l'Irja, selon qu'est-ce qu'ils prétendent. Ils prétendent qu'ils font la guerre aux Murji'a. Mais le cheikh, il dit, cette guerre-là qu'ils font, elle n'est pas sincère. Elle n'est pas basée sur la religion non plus. C'est uniquement de la perversité et de l'injustice de leur part. Et il dit la question de Al-Irja ou des Murji'a, pour eux, en réalité, c'est juste un prétexte pour faire la guerre aux gens de la Sunna. Et c'est basé sur le mensonge et sur la perversité. Et on cherche refuge en Allah contre le mal de ces individus-là. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire que leur ruse retombe contre eux. Et yani, qu'ils fassent que les gens de la Sunna soient épargnés et reposés de leur mal. Et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Donc on a fini ce chapitre, maintenant on passe à un autre chapitre, et c'est le chapitre au sujet, yani, un sujet qui est important aussi parmi les fondements de Ahl Sunna. Et le titre c'est « La yukaffar ahadun min al-muslimina bi kulli dhanbin ». C'est-à-dire qu'on ne va pas déclarer aucun d'entre les musulmans comme étant mécréant pour un péché qu'il fait. Donc peu importe le péché qu'il commet, du moment que ce n'est pas du kufr ou du shirk majeur, on n'a pas le droit de le déclarer mécréant. On n'a pas le droit de déclarer un musulman comme étant mécréant. Et ça, c'est un des fondements d'Ahl Sunnah. Donc l'imam al-Sabuni, le cheikh, il dit, l'imam al-Sabuni, il dit, « اعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مرة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. Donc l'imam al-Sabouni, il explique que les gens de la sunna, ils croient qu'un musulman peut commettre beaucoup de péchés, que ce soit des petits péchés ou des grands péchés, et qu'on on ne doit pas le déclarer mécréant pour ces péchés-là. Et que s'il sort de ce bas monde, c'est-à-dire il meurt sans s'être repenti de ces péchés-là, et qu'il meurt sur le tawhid, et à l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité envers Allah, la pureté dans l'adoration, pour Allah seul, eh bien, son cas, il reviendra à Allah. C'est-à-dire, si Allah veut lui faire pardon, et veut lui pardonner ses péchés, il peut, s'il veut, lui pardonner et le faire rentrer au paradis au jour de la résurrection, et il ne sera pas puni dans l'enfer du tout. Il ne sera pas non plus châtié pour ce qu'il a fait comme péché ou ce qu'il a commis comme péché jusqu'au jour de la résurrection avec ses péchés et les poids de la charge des péchés qu'il a commis. Mais Allah Azza wa Jal peut également, s'il veut, le châtier et le punir par le châtiment de l'enfer. Et s'il le châtie, il ne sera pas éternellement dans l'enfer. Allah Azza wa Jal va le faire sortir de l'enfer vers le paradis, la demeure éternelle. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Rabi' il explique, il dit Al-Mu'allif yahki madhhab ahl al-sunnati fi murtakib al-kaba'ir. Idha mata musirran alayha, fama masiruhu. Fama huwa masiruhu. عند الخوارج والمعتزلة مصيره إلى النار خالدا فيها مخلدا أبدا لأنه عند الخوارج كافر في الدنيا ويباح دمه وماله فإذا سرق أو زنى أو قتل أو شرب الخمر ومشاكل ذلك فهو عندهم كافر في الدنيا ويباح دمه وماله وفي الآخرة يخلد في النار مع الكافرين ولا تنفعه شفاعة الشافعين ويقابلهم المرجئة الغلاة منهم يقولون من قال لا إله إلا الله لا تمسه النار ولا يدخل النار ومن عرف الله كذلك وهذا ضلال مبين يصادم هذا المذهب وذاك ما ورد من النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن مرتكب الكبيرة يقام عليه الحد إن زنى وكان محصنا يرجم حدا ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولو كان مرتكب الكبيرة مرتدا لما كان حده إلا القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحيث إنه بقي في دائرة الإسلام في دائرة الإيمان فإنه يعاقب في الدنيا عقوبات الحدود فمن شرب الخمر يجلد وفقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلد ويحد 40 جلدة ثم لما أشرف بعض الناس أو أسرف نعم ثم لما أسرف بعض الناس فيه أوصلها عمر رضي الله عنه إلى 80 والسارق تقطع يده حدا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولو كان مرتدا لقتل. والشاهد أن مرتكب الكبيرة ما دام يؤمن بالله وبكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي ويقيم شعائر الإسلام فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بخلاف الخوارج فإنهم يخرجونه من الإيمان ويطلقون عليه الكفر، والمعتزلة يجعلونه من في منزلة بين المنزلتين، ثم يلتقون في حكم الآخرة مع الخوارج أنه خالد مخلد في النار، يجب على الله أن يعاقبه وأن يخلده في النار ولا يقبل فيه شفاعة الشافعين عندهم. وهذا يصادم النصوص الكثيرة من أحاديث الشفاعة وآيات القرآن التي تدل على يعني على الشفاعة للمؤمنين. Donc on va traduire tout ce passage. Le cheikh, il explique que l'auteur, l'imam As-Sabuni, il mentionne la position d'Ahl Sunnah au sujet de ceux qui commettent des grands péchés et qui meurent en persistant de commettre ces grands péchés-là. Quelle sera sa destination? Quelle sera sa situation dans l'au-delà s'il meurt en persistant de commettre un grand péché? Pour les Khawarij et les Mu'tazila, ils disent que sa destination sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et pour les Khawarij, ils considèrent que c'est un kafir dans ce bas monde et que son sang et ses biens sont licites. S'il vole, s'il fait le zina, s'il tue ou s'il boit de l'alcool ou des choses de ce genre. Donc pour eux, c'est un kafir dans ce bas monde. Son sang et ses biens sont licites aux musulmans. Et dans l'au-delà, il sera éternellement dans l'enfer pour y demeurer éternellement selon eux. Et il n'aura pas droit à l'intercession des intercesseurs. Et, par opposition ou à l'opposé des Khawarij, il y a les Murji'a. Et les Murji'a, eux, parmi les extrémistes d'entre eux, ils disent que quiconque a dit « La ilaha illallah », il ne sera pas touché par le feu et il n'entrera pas en enfer s'il a connu Allah également. Et ils disent que il ne va pas rentrer en enfer, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme péché. Et le cheikh, il dit, et ça c'est de l'égarement évident qui est en opposition avec les textes du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les textes à ce sujet-là, et parmi les preuves à ce sujet, le cheikh, il mentionne que celui qui commet des grands péchés, on va établir sur lui la peine. On va établir sur lui la peine de la charia. Par exemple, si quelqu'un fait le zina, et qu'il était marié, on va le lapider jusqu'à ce qu'il meure. Une fois qu'on l'aura lapidé, et qu'il sera mort, on va faire la salat, les prières funéraires sur lui. Et on va l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et les musulmans vont hériter de son argent. C'est-à-dire que sa famille vont hériter de ses biens. Et si c'était un musulman qui était pas marié auparavant et qui a fait le zina, il sera fouetté sans coup de fouet. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, le verset 2 dans Surat An-Nur, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun d'entre eux sans coup de fouet et ne soyez pas pris de compassion pour eux dans la religion d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, lorsqu'ils commettent le péché et que le moment de la punition est venu, donc il faut appliquer cette peine sur eux. Et le cheikh, il dit que si la personne avait été considérée apostat parce qu'elle avait commis ce péché-là, c'est-à-dire si elle devenait mécréante à cause de ce péché-là, eh bien la peine n'aurait pas été la lapidation, la peine aurait été le meurtre. Et c'est probablement pourquoi certains, justement parmi les Khawarij, ils ne croient pas en la lapidation. Ils ne croient pas en certains des groupes des Khawarij, ils ne croient pas en la lapidation. Probablement parce que justement pour eux, celui qui fait le zina, il est mécréant. Donc il sort de l'islam. Donc au lieu de le lapider, il lui coupe la tête comme étant apostat et non pas comme quelqu'un qui a commis un péché. Le cheikh, il donne un autre exemple aussi. Il dit que, mais avant ça, il dit la preuve. Hein, que s'il avait été apostat, on aurait dû non pas le lapider, mais plutôt l'exécuter. C'est le hadith du professeur Salam qui dit « Quiconque change de religion, alors tuez-le. » Donc ça, c'est bien entendu la peine de mort pour la personne qui apostasie de sa religion. Et le cheikh, il dit ensuite du moment que la personne reste dans les limites du cercle de la foi, eh bien, elle va être punie par les peines dans ce bas monde qui ont été établies par la charia pour ceux qui ont commis certains crimes. Et parmi les exemples de ça aussi, il y a celui qui est coupable, par exemple, d'avoir bu de l'alcool au point d'être ivre. Il va être fouetté un certain nombre de coups de fouet. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était 40 coups de fouet qu'on lui donnait. Et après, les gens qui avaient dépassé, ou bien qui étaient tombés dans l'excès vis-à-vis de cette peine-là, c'est-à-dire vis-à-vis de ce péché-là, ils avaient commis ce péché-là avec excès, eh bien, Omar ibn al-Khattab avait même appliqué jusqu'à 80 coups de fouet pour celui qui avait commis ce crime-là. Tandis que la personne qui avait volé, on lui coupe la main. Et le verset dans Surat al-Ma'idah, le verset 38, mentionne que le voleur et la voleuse, coupez-leur la main, hein, s'ils ont volé. Et ça, c'est la preuve que la personne, elle n'est pas apostate, elle n'a pas apostasié de l'islam. Parce que s'il était mécréante, hein, à cause de son vol, on n'aurait pas coupé sa main, mais on lui aurait coupé sa tête. Hein, parce que si l'apostasie, c'est... la peine de mort. Tandis que le vol, c'est pas la peine de mort pour ce péché-là, mais plutôt couper la main. Donc tout ça sont des éléments qui témoignent que celui qui commet des grands péchés en islam, du moment qu'il croit en Allah et en le livre d'Allah et en la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ici, il fait la salat et il établit les rites de l'islam, les principes de l'islam, hein. Alors, il est musulman, il est croyant, et on va dire que sa foi est faible à ce moment-là parce qu'il commet des péchés. Ou bien on peut dire aussi qu'il est croyant par sa foi et pécheur par ses péchés, hein, par son péché. Et ça, c'est bien entendu en contradiction avec ce que disent les Khawarij, parce que eux, les Khawarij, ils le déclarent mécréant, ils disent qu'il sort de la foi et ils le considèrent comme étant dans le kufr. Les Mu'tazila, eux, ils ont inventé une bid'ah différente de celle des Khawarij. Ils disent, on va pas dire qu'il est mécréant, puis on va pas dire qu'il est croyant. On dit qu'il est dans un degré entre la foi et la mécréance. Donc ils appellent ça le degré entre les deux. Ça, c'est une bid'ah qu'ils ont inventée. Ça n'existe pas dans l'islam. Et ensuite, ils sont d'accord avec les Khawarij pour le jugement par rapport à ce qui arrive à cette personne-là après la mort. Ils disent, dans ce bas monde, on ne va pas dire qu'il est croyant et on ne va pas dire qu'il est mécréant. Mais dans l'au-delà, après la mort, on dit qu'il est éternellement en enfer. Donc le cheikh, il dit, ils sont d'accord à ce moment-là avec les Khawarij sur le jugement de l'au-delà. Ils le déclarent comme étant éternellement en enfer. Et ils disent qu'il est obligatoire à Allah de le châtier et de le brûler éternellement dans l'enfer. Et le cheikh, il dit que ça, c'est bien entendu en opposition avec de nombreux textes dans le Coran et dans la Sunna, et parmi les exemples des hadiths de l'intercession des prophètes et des hommes pieux au jour de la résurrection qui vont intercéder pour les pécheurs. Ça, c'est la preuve que les musulmans qui ont commis des péchés ne sont pas des mécréants, puisque Allah Azza wa Jal va permettre que les prophètes et que les messagers, que les hommes pieux et que les anges puissent intercéder pour les pécheurs, parmi les musulmans de la Ummah et des différents peuples qui ont cru en leur messager, ils vont intercéder pour les pécheurs de leur Ummah. Donc il y a de nombreux versets dans le Coran à ce sujet-là. On en avait parlé quand on a parlé des cours sur la Shafa'a, justement dans les cours précédents. Le Cheikh dit فَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَلَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَهُنَاكَ إِذْنِ يَأْذَنْ لِمَنْ يَشْفَعُ فَالشَّفَاعَةُ لَا تَقَعْ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَشْفَعُ فِي مَنْ يَأْذَنْ لِمَنْ وَفِي مَنْ يَشْفَعُ هَذَا الْمَأْذُونَ لَهُ يَشْفَعُ فِي الْعَاصِي فِي هَؤُلَاءِ الْعُصَاةِ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ الشَّفَاعَةِ وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ وفيها إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان أحاديث كثيرة جاءت بعقوبة هؤلاء العصاة وإدخالهم في النار وبالشفاعة فيهم حتى يخرجوا منها فأحاديث الشفاعة نفسها حجة على المرجئة خاصة الغلاة منهم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة أو الذين يقولون إنه كامل الإيمان إذا كان كامل الإيمان كيف يعذبه الله عز وجل نعم donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah on va juste traduire cette dernière partie. Et puis après ça, on va s'arrêter. Donc le cheikh, il explique ici que parmi les preuves qui montrent que ces gens-là ont contredit les textes de la religion, en particulier les hadiths sur l'intercession et les versets du Coran à ce sujet-là. Le verset, par exemple, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, comme dans Ayatul Kursi, « Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi » Qui va intercéder auprès d'Allah, excepté par sa permission. Ça veut dire qu'il doit y avoir une permission. Et la permission, c'est pour qui est-ce, hein, c'est pour qui va intercéder. À savoir, qui va pouvoir intercéder. Allah ne va pas laisser intercéder tout le monde. Il y a certaines personnes seulement qui vont avoir la permission pour l'intercession. Et en même temps aussi, à savoir en faveur de qui. Hein, c'est-à-dire, pour qui on va pouvoir intercéder. C'est pas pour n'importe qui aussi. Hein? C'est seulement pour les croyants, hein? Pour les mu'minines et pour les gens du tawhid. En ce qui concerne les kuffars et les mushrikines, on ne peut pas intercéder pour eux. Et il dit, yani, et en quoi ou pour qui la personne qui a été permise d'intercéder va pouvoir intercéder? C'est pour la personne parmi les croyants qui ont commis des péchés, pour les pécheurs parmi les musulmans. Et il y a de nombreux hadiths de l'intercession qui sont rapportés par de très grands nombres de rapporteurs et qui mentionnent que Allah Azza wa Jal, il va faire sortir de l'enfer quiconque a dit la ilaha illallah et qui avait la moindre particule de foi dans son cœur. Hein? Et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. Qui mentionne le châtiment de ces pécheurs-là et le fait qu'ils rentrent en enfer et le fait que par l'intercession des prophètes et des messagers et des anges et des hommes pieux, ils vont pouvoir sortir de l'enfer. Et les hadiths, en ce qui concerne l'intercession, les hadiths de l'intercession, c'est une preuve contre les khawarij et c'est une preuve aussi contre les murji'a. Parce que les murji'a, ils disent, non, tu ne peux pas rentrer en enfer si tu es mu'min. C'est impossible. Alors qu'on voit très bien qu'il y a des croyants qui rentrent en enfer. D'accord? Et en particulier les extrémistes parmi les murji'a qui disent que celui qui dit la ilaha illallah, il entre en paradis. Au paradis, c'est garanti. Et que c'est impossible qu'il soit en enfer. Parce qu'ils disent que le croyant, sa foi, elle est toujours complète et parfaite. Donc comment Allah va punir celui qui est parfait dans sa foi? Donc pour eux, c'est inconcevable qu'un croyant soit en enfer. Or, on voit les preuves dans les textes authentiques qui montrent que effectivement il y aura des croyants qui seront en enfer à cause de certains péchés qu'ils ont faits. Et du moment qu'ils ont une particule